arc-en-ciel. C'est aussi ça. Voici donc, on a pu entendre Catherine Lara et voici d'autres chansons différentes avec l'accordéon et puis d'autres musiques avec Céline Dion. Je vous dis pas pour qui, tout simplement, c'est comprendra pourquoi. et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc quelques titres du Zouk. Veux bien, découvre un peu de moi. reposer avec moi toute ma vie. Oh oh, viens rejoins-moi dans mon univers pour un voyage interplanétaire. Oh, et si tu me l'espères, je fais le premier pas. Avec toi, je t'emmène. Tes problèmes, viens danser avec moi dans mon paradis. Si tu veux, je t'emmène. Loin de tes problèmes, viens voguer avec moi toute la nuit. Je si tu veux, je t'emmène. Je t'emmène, pas de tes problèmes, je t'emmène. la suite des chansons. Voici donc les émissions juste après moi à partir tout simplement du mardi, tout simplement, à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe pour l'émission Electric Choc. Demain, on sera donc mercredi. Donc comme tous les matins à partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky au réveil. Et puis juste après entre 9h jusqu'à midi avec Victor Portugal avec Enfiesta. Et puis donc en début d'après-midi entre 14h jusqu'à 16h avec Gloria. On va faire un tour avec des chansons bien, avec une chanson de Barry White qui est très bien, et puis donc suivi après de Gérard Blanc. Et puis je connais bien personne qui aime bien Barry White. We'll be right back. I'm not afraid to die.

Arc-en-ciel, un amour de FM. Ça s'appelle tout simplement et ben rien que pour toi avec Feynman et après ce sera Jonas. Thank you. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps à désarticuler jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés, dans un sanglot, l'espace d'un baiser sont restés sourds à tout. C'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées, dernier recours de joie désharmonie. Des milliers de cousins, le gitan, le gitan, le gitan, il a couru les chemins, Sainte-Marie ou Guernica, pour venir dormir à Saint-Ouen. Le gitan, le gitan, le gitan, le gitan que tu ne connais pas, souvent je deviens, gitan. Mon ciel c'est le sien, gitan. Je suis comme lui, gitan. J'ai plus de pays, gitan. J'ai plus de maison, gitan. Je n'ai plus de nom, gitan. C'est toi qui as raison, gitan. Y a plein d'horizons. Il a toujours l'air heureux, les chagrins lui n'en veulent pas, il est jeté.

assim. Ela é minha bonita, meu amor. Sei que nunca senti o calor da paixão, mas em ti descobri que era o meu coração. Tanto amor, à la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. We'll be right back.

donc sur cette chanson, Simon, écoute, eh bien, voici, elle aime très bien cette chanson, je la connais. Yeah. quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Arc-en-ciel, un amour de FM. Donc on la repasse, c'est ce qu'on m'a redemandé, cette chanson, voilà, donc qui est juste après François Feldman. Je t'aimerai si fort que tu seras la plus belle. Je graverai ton nom avec le feu du soleil. Je construirai pour toi une autre tour de Babel. Oui, pour toi, rien que pour toi, je lèverai des fous. J'ouvrirai l'océan, je déchirerai le ciel, je défierai.

Voilà donc, juste après Véronique Jeannot, l'aventure, voici quelques morceaux de country. Ça te prend un bon télescope sur ton fusil pour tirer 5 gros bugs, t'as surpris.

J'aimerais un jour le retrouver et peut-être même l'aimer. Et elle me hante et me poursuit, et je la traque sans arrêt le jour comme la nuit. Je la retrouverai, hey, hey, la nuit est chaude. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, veux-tu le faire? Aussi une hirondelle fait mon printemps. Je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai. Malade à la bouche derrière son mégot. Il y avait des gros mots en cascade. N'était pas bien gros asticot, mais c'était une vraie boule de haine. On y filait plein de noms d'oiseaux, même ceux qu'il connaissait qu'à peine l'appelaient la teigne. Il n'avait pas connu ses vieux, il était de l'assistance. Ce genre d'école pour rendre joyeux, c'est pas exactement Byzance. D'ailleurs on lisait dans ses yeux, pour qu'il soit bien fallait qu'on craigne. Si tu rentrais pas dans son jeu, putain ce que tu recevais comme beigne, c'était une teigne. Avec des gonzesses, les michetons, t'étais encore plus vache. Je te pique tes sous, je te fous les lions. Tu tombes amoureuse et je m'arrache. Pour sa petite gueule, ses points de béton, il se serait jeté à la Seine. Elle lui parlait d'amour, de passion, il répondait par les châtaignes. C'était une teigne. Pas fêté ses fins berges. Quand une nuit de novembre, on la retrouvait raide comme un cierge, pendue au beau milieu de sa chambre. Si un bon Dieu, une sainte vierge, faut qu'il l'accueille à leur enseigne. Parce qu'avant de passer sur l'autre berge, il m'avait dit personne n'amène, je suis qu'une pauvre teigne. Moi qui l'ai connu un peu, quand parfois j'y repense, putain ce qu'il était malheureux. Putain, ce qui cachait comme souffrance, sous la pâle blondeur de sa frange, dans ses yeux tristes, dans sa dégaine. Mais je suis sûr qu'au ciel, c'est un ange. Et quand je pense à lui, mon cœur saigne. Adieu la teigne. Adieu la teigne. Adieu la teigne. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc qui vient le petit Pierrot, disons Pierre Perret, et après ce sera Nicole Croisil. Prune, prunette, petite prune des bois, ta vraie famille est dans la forêt. Les biches, les rainettes et les coucous ne manquent pas. Les adultes ont confondu la vérité et l'intérêt. Les humains disent que je suis rusé. Mais moi qui ne suis qu'un renard, je ne les trouve pas humains. Ces gens dégoûtés de la vie qui t'ont abandonné. Petite fille comme un chaton sur le bord d'un chemin. Prune, prunette, petite prune des bois, dans la forêt tu seras chez toi. Les parents et même les professeurs sont un peu sourds. Les adultes ont confondu l'éducation avec l'amour. Les champignons te tirent leur chapeau. Auprès de toi les elfes joueront à la poupée. Et les enfants purs comme l'eau claire des ruisseaux t'apprendront à regarder les fleurs sans les couper. Prune, prunette, petite prune des bois, monte en ballon et envole-toi. De là-haut tu verras d'un œil plein de compassion les gens les plus importants revenir à leur vraie dimension. Un farfadet est venu de nulle part. T'apprendras même le langage des lièvres et des bécasses, de ces animaux qui ont tous la peur dans le regard. Qu'on appelle bêtes parce qu'ils ne savent pas lire un permis de chasse. Prune, prunette, petite prune des bois, ma vraie famille est dans la forêt. Les arbres vivent ensemble sans jamais se faire la guerre. Les adultes ont confondu la poignée de main et le revolver. La la la la la la la la la. T'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, tu vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air, entre New York et Singapour, tu voyages toujours en premier. Supporter la misère. T'es pas heureux, mais t'en as l'air. T'as perdu le sens de l'humour. Depuis que t'as le sens des affaires, t'as réussi et t'en es fier. Au fond, tu n'as qu'un seul regret. Tu fais croire que t'aurais. T'aurais voulu être un arrêtiste. Maintenant,

s'envole. Quand tu t'en iras, n'oublie pas que tu m'avais offert un voyage en avion qui s'en ira là-haut dans les nuages. Sur un îlot désert, nous aurions fait naufrage. Ne l'oublie pas. Quand tu t'en iras, n'oublie pas. La première larme, le premier soir où tu es enfin devenue femme, la première séparation, le premier orage, pense à tout cela. Le regard bleu des enfants de la mer.